l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. On connaît cette citation attribuée à Karl Marx, une maxime qui n'a jamais été mieux illustrée qu'au Maroc du début des années 1970, lorsque le roi Hassan II a échappé en tout juste un peu plus d'un an à deux attentats où il aurait dû trouver la mort. Mais le souverain chérifien avait la baraka, pour reprendre un mot arabe trop souvent galvaudé. Et finalement, c'est une longue maladie qui aura raison de lui presque 30 ans après ces événements dramatiques. Toutefois, si aujourd'hui M. X revient sur cette lointaine histoire, c'est qu'elle est toujours auréolée de nombreux mystères. L'un d'eux en particulier a été en partie dissipé par des journalistes marocains au début des années 2000. Les complots dirigés contre Hassan II avaient une ampleur encore plus vaste que celle qu'on soupçonnait. Ce n'étaient pas seulement des militaires extrémistes, dégoûtés par la corruption du régime qui voulait se débarrasser du roi. Ils disposaient du soutien inattendu, et même contre nature, de l'opposition démocratique de gauche. Et il se trouvait parmi eux au moins un homme, Abderrahman Youssoufi, qui occupait en 2000 la fonction de premier ministre du fils d'Hassan II, Mohamed VI. Bref, le fils gouvernait avec un personnage qui avait voulu tuer son père. Inutile de dire que ces révélations ont fait scandale et le jeune souverain, qui avait pourtant suscité tant d'espoir de libéralisation après le long règne autoritaire de son père, s'est empressé de renouer aussitôt avec les pratiques paternelles en muselant la presse. Dans un instant, le récit de M. X. الحلق القلب اللي ما بقاش ضرب ما بقى لك ما تزيد ما تزيد قلب ما كان ما يدار هذا ما كان مع الزمان مع الوقت كل شي كيمشي داك اللي كنت تموت عليه دور عليه تحت شتا داك اللي كنت تعرفه غير بشوفة وحدة بين الكلام بين الخطوط وتحت الزواق ديال الحلوف معكر اللي كيبقى يدور في الليل يا ليل يا ليل مع الوقت كل شي كيخبر مع الزمن مع الوقت كل شي كيمشي كتنسى العشق وكتنسى الصوت اللي كانوا كيقولوا الكلام ديال المساكن ما تعطل شي ما تعطل شي عندك يجيك البرد مع الزمان مع الوقت كل شي كيمشي وتحس براسك شايب بحال شي عاود الرازم وتحس براسك جامد في الفراش البراني وتحس براس بوحدك لكن هني وتحس براس محبور بسنين اللي مشاو عليك يا ليل يا ليل يا ليل عدك الساعة بصح مع الوقت ما تبقاش تبغي fille. France Inter. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Autant le dire tout de suite, c'est un vrai pavé dans la mare que le journal, un organe de presse francophone, a lancé en novembre 2000. Et s'il a d'abord embarrassé l'ancienne opposition désormais ralliée au régime, il a aussi provoqué l'indignation du jeune souverain marocain. Non seulement il était démontré que son premier ministre avait été l'un des instigateurs du putsch de 1972 et qui avait essayé d'attenter à la vie de son père, mais il révélait aussi qu'Hassan II était encore plus impopulaire qu'on ne le pensait. Ah oui, ça c'était une sorte de crime de lèse-majesté. Et ça tient au caractère très particulier du pouvoir marocain. Là-bas, le roi n'est pas un souverain comme un autre. Ben non, c'est d'abord le commandeur des croyants. Car la famille royale, Alaouite, revendique une filiation directe avec le prophète Mahomet. Le roi est donc en principe intouchable, aujourd'hui comme hier. Objet d'une véritable vénération. C'est à peine si l'on ose prononcer son nom, même pour en dire du bien. Ah bon, vous exagérez là. Ah, pas du tout. En 2009, par exemple, un hebdomadaire marocain a tenté d'évaluer les premières années du règne de Mohamed VI. Et pour ce faire, il a publié un sondage qui montrait que pour presque 90% des personnes interrogées, ce bilan était positif. Eh bien, ce magazine a été néanmoins interdit de parution. Ouais. Incroyable, hein, parce que alors, le seul fait de se livrer à une telle initiative était une offense. Une offense à la personnalité sacrée du roi qu'on ne doit ni commenter, ni critiquer. Il s'agit donc d'une adoration d'ordre quasi magique. Hein. En effet, c'est un pacte quasi divin qui unit le souverain à ses sujets. La différence doit donc être absolue. Il me semble pourtant avoir entendu quelques jeunes Marocains, là-bas, l'appeler familièrement M6. Sans doute, et parce qu'au début de son règne, sa jeunesse a fait illusion. Certains ont pu penser que ce souverain d'allure moderne allait en finir avec cette tradition écrasante. Et c'est vrai qu'il a commencé par donner des signes encourageants en annonçant son intention de faire la lumière sur les dérives les plus préoccupantes du règne de son père. Une sorte de printemps marocain avant le printemps arabe. Tout à fait. C'est même allé si loin que certains Marocains ont appelé Mohamed VI le roi des pauvres. Mais ils n'ont pas tardé à déchanter. Parce qu'ils n'ont rien rompu avec les habitudes paternelles. Alors même s'il a effectivement donné quelques preuves encourageantes de sa volonté de changer. En réhabilitant quelques opposants, en se débarrassant du ministre de l'Intérieur de son père, qui régnait par la terreur, en accordant quelques libertés à la presse, ou encore en voulant faire adopter un code de la femme plus libérable. Mais ce n'était qu'une parenthèse vite refermée. Aujourd'hui, Mohamed VI s'est glissé sans scrupule dans le costume de monarque absolu qui était celui de son père, Hassan II. Et il est toujours l'homme le plus riche du royaume et pratiquement son propriétaire. Refermons cette parenthèse, puisque vous voulez me parler d'une histoire un peu plus ancienne. Vous avez raison. Mais encore un mot à propos des révélations du journal en novembre 2000. Pour bien comprendre le séisme qu'elles ont provoqué au Maroc, j'ai trouvé une comparaison éloquente dans une préface écrite par Gilles Perrault pour un livre récent d'Omar Brooksy, dont nous reparlerons peut-être, je cite. C'est un peu comme si les Français apprenaient aujourd'hui que Pierre Mendès-France et François Mitterrand fricotaient avec l'OAS contre le général de Gaulle. Et si vous le voulez bien, nous reviendrons un peu plus tard sur ces révélations. Et donc, d'abord les événements qui sont au centre de celle-ci. Hein. Il me faut remonter au tout début des années 70 et vous parler d'un personnage qui sortait de l'ordinaire, au moins dans l'élite marocaine de cette époque. Qui ? Un général, Mohamed Medbou. Selon les gens qui l'ont bien connu, c'est un parangon de vertu, un homme à principe. Même ses adversaires, car il en a, reconnaissent qu'il ne s'est jamais compromis. Ouais, c'est donc un spécimen rare. Absolument, car les officiers supérieurs de l'armée royale ont une fâcheuse tendance à vivre sur la bête et à profiter de leur position pour s'enrichir de façon éhontée. Mais ce général intègre, là, le sait-il ? Bien évidemment. Cependant, il n'a peut-être pas encore réalisé que le ver est allé aussi loin dans le fruit. Dans l'armée, mais aussi dans la société civile. Mais avant, un mot sur son parcours. Cet officier berbère, né en 1927, a d'abord effectué une carrière militaire exemplaire dans l'armée française. Sous-lieutenant, après Saumur, il est envoyé en Indochine, où il gagne ses galons de capitaine. Il est de retour au Maroc en 1952, occupe plusieurs postes jusqu'à l'indépendance. À partir de ce moment, sa carrière va prendre une tournure politique. C'est-à-dire ? Il est nommé gouverneur de province à Taza, puis Casablanca, avant de devenir ministre des PTT. Point important pour la suite, ce personnage austère et même un peu trop rigide est très proche du général Oufkir. Les deux officiers s'apprécient beaucoup. Oufkir qui occupe une place éminente auprès du roi. Ministre de l'Intérieur, Oufkir a la haute main sur la police du régime. Ouais, et à ce titre, il faut dire qu'il est aussi l'artisan des basses œuvres du pouvoir. Hein. Il se dit même que c'est un tortionnaire raffiné. Et puis, pour nous, hein, il est aussi celui qui porte la responsabilité première de l'assassinat de Mehdi Benmarca en 1965. Ce qui lui vaudra en France d'être condamné par défaut aux travaux forcés à perpétuité, oui. Mais on va longuement reparler de Mohamed Oufkir, qui est bien sûr l'un des personnages principaux de cette histoire. Avant de poursuivre, est-ce que ce général Medbou est un personnage aussi impitoyable, aussi sanguinaire que son ami Oufkir? Pas du tout. Au contraire, lorsque gouverneur de Taza dans sa région natale, le Rif, il devra faire face à une insurrection, il évitera autant que possible les effusions de sang. Mais je continue. Ayant obtenu la confiance du roi, Mohamed V, il est chargé de veiller sur le prince héritier. C'est-à-dire le futur Hassan II. Hein. Oui, et assez naturellement, lorsque celui-ci monte sur le trône à la mort de son père, Medbou devient son directeur de cabinet, puis son aide de camp, et enfin le chef de sa maison militaire. Ce qui en fait le réel ministre de la Défense du royaume. Ici, deux observations. D'abord, en 1963, il a dénoncé un premier complot contre Hassan II. Ce qui, j'imagine, n'a pas nuit à son ascension. C'est évident. Ensuite, ses liens avec Oufkir sont devenus quasi familiaux. Sa fille, Mina, va entretenir une liaison avec un frère de l'épouse d'Oufkir. Et après la perpétration du premier putsch en juillet 1971, ça permettra à certains de prétendre qu'en raison des rapports étroits entre les deux familles, Oufkir ne pouvait pas ne pas savoir ce que son ami Medbou ourdissait. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je reviens un tout petit peu en arrière. En raison de ses fonctions, Mohamed Medbou est donc l'officier le plus proche de Hassan II. Et cela depuis plus de 10 ans. Ouais, alors, c'est un homme qui connaît non seulement son emploi du temps par cœur, mais peut-être aussi nombre de ses secrets. Dont certains fort intimes. Mais Medbou est une tombe. Et il ne révélera jamais rien de ce qu'il a appris au cours de cette proximité assez exceptionnelle avec Hassan II. Début 1971, Mohamed Medbou part pour Washington. Il doit consulter des médecins car il a des soucis cardiovasculaires. Mais il est aussi chargé de conduire des négociations assez compliquées à propos des bases américaines situées au Maroc. Pourquoi compliquées? Parce que ces bases n'ont aucune existence légale. Autrefois occupées par la France, elles ont été cédées aux États-Unis lors de l'indépendance. Mais elles ne disposent d'aucun statut officiel. Et pire, le loyer versé par les Américains arrive directement dans les caisses royales. Il échappe au trésor marocain. C'est ça. Et à Washington, ça fait tousser. Le général Medbou, après avoir consulté les médecins, s'occupe donc de cette question. Puis il s'envole pour la Californie. Il y rencontre le sénateur américain William Rogers, qui désire l'entretenir d'une affaire stupéfiante et même révoltante aux yeux du très vertueux général. Ah, mais racontez alors, de quoi s'agit-il? Rogers est un ami du président de la Paname, qui lui a confié ceci. Sa compagnie aérienne est sur le point d'acheter une vieille caserne à Casablanca, afin d'y édifier un grand et luxueux hôtel. Les négociateurs de la Paname, en dépit de leur expérience des marchandages et de la corruption dans les pays du tiers-monde, sont tombés de très haut. Parce qu'au Maroc, cela leur a semblé dépasser tout entendement. Écoutez bien. L'intermédiaire marocain, certain Omar Ben Messaoud, propose un prix très avantageux, à peu près 10 fois moins que la valeur réelle des terrains. Ah ben, les Américains ont donc l'impression de faire une bonne affaire. Oui, mais ce Messaoud précise aussitôt que la différence entre le prix réel et celui qu'il propose doit être versée sur le compte de plusieurs ministres et proches de la famille royale. Ah oui. Les réactions du général Medbou? Il est effaré et même humilié. Et dès son retour au Maroc, il est bien décidé à demander une explication au plus haut niveau. Thank you. Sans vouloir déflorer la suite du récit de M. X, je vous propose cette analyse de l'ancien journaliste du Monde, Jean-Pierre Tucoua, sur les rapports du roi Hassan II avec les militaires. Je l'extrais de son livre « Le dernier roi ». Hassan II a commis dans sa vie une erreur de jugement qui a manqué de lui coûter la vie à plusieurs reprises. Il a surestimé la loyauté de l'armée. Il n'y a qu'une seule force d'ordre et de progrès dans ce pays, et c'est l'armée. Seuls mes officiers sont disciplinés, intègres, loyaux. Deux, je peux tout exiger, tout attendre. Eux seuls sont capables d'administrer ce pays dans la discipline. Eux seuls sont honnêtes. Ils ne font pas de politique et ils aiment leur métier. Je nommerai des gouverneurs militaires à la tête des provinces et je quadrillerai l'administration locale avec des officiers et des sous-officiers, confiait-il au début de son règne à la journaliste Simone Lacouture. Rendez-vous avec X. De retour au Maroc, le général Medbou demande une audience particulière à Hassan II. Ce qui ne doit pas lui être très difficile à obtenir, étant donné ses fonctions. Bien sûr. Il lui raconte donc ce qu'il a appris de la bouche du sénateur Rogers. Et il lui donne comme preuve une photocopie de la lettre où ce Messaoud mentionnait les divers pots de vin qui devaient être versés. Dont certains à des membres de la famille royale. Alors, quelle est la réaction de Hassan II? Il donne l'ordre de faire arrêter Messaoud. Mais celui-ci, dès qu'il est entre les mains des policiers, commence à parler. Et ce qu'il révèle semble tellement énorme qu'on préfère le relâcher. Ouais, la peur du scandale. Sans doute. Mais il y a surtout la peur de ces policiers qui réalisent qu'ils ont levé un lièvre beaucoup trop gros pour eux. Et que ça risque finalement de leur coûter cher. Évidemment. D'autant que ce Messaoud a protégé ses arrières. Ces livres sont parfaitement tenus et on peut y lire en toutes lettres le nom des principaux corrompus et les sommes qu'ils ont touchées. Et parmi eux, y a des ministres importants et des membres de la famille royale. Ouais. L'affaire a donc été étouffée. Pour l'essentiel, oui. Les corrompus sont passés à travers les mailles du filet, même si quelques ministres ont dû démissionner, sans que l'on donne d'ailleurs d'explication. Mais il ne pouvait en être autrement, car c'était tout le système qui était pourri. Et au fond, Medbou a pris un risque certain en déballant l'affaire auprès du roi. On peut le penser. Et quelques mois plus tard, ils ont été un certain nombre à se féliciter de voir comment il a fini. Pardon d'interrompre Monsieur X, mais je ne résiste pas au plaisir de citer une anecdote relatée par Gilles Perrault dans son célèbre ouvrage « Notre ami le roi ». Une anecdote qui montre que Hassan II n'ignorait rien de la corruption des grands de son royaume. Je cite. Un ministre avait invité le roi à la pendaison de crémaillère de sa luxueuse maison, tout juste bâtie dans le quartier du Souissy, le Neuilly de Rabat. Hassan II s'extasia sur la beauté des lieux et s'enquit du prix. Le ministre, dont le traitement officiel ne justifiait nullement pareille dépense, crut habile de diviser le coût réel par deux. Le roi le félicita de l'excellente affaire qu'il avait réalisée, signa sur le champ un chèque correspondant au prix avancé et s'appropria la maison. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'après son voyage aux États-Unis, le général Medbou n'a plus été le même. Quoi, il était bouleversé? Oui, pour ce fidèle, c'était la statue de ce roi vénéré qui soudain se lézardait. Parce qu'il venait de comprendre que Hassan II n'ignorait rien de ce système de corruption généralisée. Et qu'il en profite à lui-même. Bien sûr. Placé où il était, Medbou a quand même mis du temps à s'en apercevoir, non? Ou alors, c'est qu'il ne voulait pas voir. C'est très possible. En tout cas, la violence de la désillusion de ce pilier de la monarchie chérifienne est à la mesure de sa vénération passée. Il se dit qu'il faut détrôner cet homme qui ne mérite pas de demeurer roi du Maroc. Ah, il envisage donc un putsch? Oui. Mais il doit d'abord s'assurer du soutien d'une fraction de l'armée. Une armée qu'il connaît bien pour en être pratiquement le vrai chef. Sans doute. Ouais. Toutefois, pour réussir une telle entreprise, il faut s'appuyer sur une troupe d'élite et très disciplinée. Ouais, c'est-à-dire qui agit sans se poser trop de questions. Exactement. Et le choix de Medbou se porte presque naturellement sur les cadets du colonel Ababou. Ah, qui est ce nouveau venu là? Mohamed Ababou est le plus jeune colonel de l'armée marocaine. Petit, sec, ce grand admirateur des marines américains est surnommé le Petit Napoléon. Diplômé avec mention de l'école de guerre de Paris, il commande au Maroc une autre école, celle des cadets, installée à Hermoumou, dans une zone montagneuse. Dans l'Atlas, donc. Oui, cette école qui ne forme que des sous-officiers est dirigée d'une main de fer par Ababou. Il impose une discipline implacable et soumet les cadets, des jeunes gens qui sortent tout juste de leur village de montagne, à un entraînement épuisant, un régime qui produit des individus complètement robotisés, prêts à obéir aveuglément à n'importe quel ordre de leur supérieur. Et combien sont-ils ? À plus d'un millier. Et l'homme lui-même, là, Ababou ? Bah, vous l'avez compris, c'est un dur, mais pas vraiment un pur. Ah bon, un corrompu lui aussi ? Bah, comme la plupart des officiers supérieurs marocains qui font leur pelote pendant leur temps de service. Donc rien à voir avec l'intègre Medbou. Ouais. Et pourtant c'est avec cet officier qu'il va s'associer. Parce qu'il sait que ses cadets lui obéiront aveuglément. Mais aussi parce que Medbou et Ababou sont originaires du même village. Ah oui, alors ils comptent donc sur une solidarité d'ordre tribal. C'est sûr. Ouais. Et comment le général Medbou compte-t-il procéder ? En bon connaisseur des mécanismes du pouvoir, il sait que si Hassan II est neutralisé, le régime s'effondrera de lui-même. Attendez, neutralisé, ça veut dire quoi ? Ah, je crois que le général ne veut pas assassiner le roi. Ah, un reste de respect ? Si vous voulez. Donc, il veut essentiellement s'assurer physiquement de sa personne, pour l'obliger à abdiquer ou peut-être même à s'amender, en acceptant la mise en place d'une véritable monarchie constitutionnelle, respectueuse des principes démocratiques. Mais ce ne sont que des hypothèses. Quand les conjurés vont-ils passer à l'action ? Le 14 mai 1971, jour anniversaire de la création des forces armées royales, Hassan II doit assister à des manœuvres au sud de Fès, dans la région du Moyen Atlas. Il est donc prévu d'organiser une embuscade sur la route de montagne que doit emprunter le cortège royal. Et j'imagine que dans ce cortège-là, le général Medbou doit y avoir sa place, pas loin du roi. Forcément. Mais il y a un hic. Le général aperçoit un hélicoptère qui survole le cortège. Il a peur que ses occupants ne découvrent les cadets d'Ababou embusqués sur la route. Et au dernier moment, il parvient à décommander l'opération. Toutefois, ce n'est que partie remise. Détail. Il semble que le colonel Ababou ait accusé le général Medbou de s'être dégonflé un peu trop vite. Oui, un début de fracture entre les deux militaires ? Peut-être. Quoi qu'il en soit réellement, les comploteurs sont décidés à récidiver. Leur choix se porte sur le 10 juillet. Ce jour-là, Hassan II doit fêter son 42e anniversaire. Traditionnellement, il donne une réception dans sa résidence d'été, le palais de Skeyrat, au bord de l'Atlantique, à quelques kilomètres de Rabat. Un endroit superbe, mais dont la seule existence est choquante, car elle illustre la débauche de luxe du régime. Imaginez en effet que dans cet endroit sec et désertique, on a créé de toutes pièces, pour le seul bon plaisir du roi, un golf de 18 trous. Ah oui, du gazon anglais sous le soleil marocain. Au risque de priver d'eau les villages voisins. Je ne parle pas du reste, hein. La magnifique piscine, le palais avec sa salle du trône et ses nombreuses dépendances. Mais enfin, passons. Hassan II a donc l'habitude de donner une grandiose fête pour son anniversaire. Les putschistes décident de se saisir de cette occasion pour agir. Mais pourquoi précisément ce jour-là ? Bah, parce que cette fête va rassembler tous les personnages qui comptent au Maroc. Les ministres, les politiciens, les principaux chefs militaires. Prendre le contrôle de Skeyrat, c'est donc s'assurer d'un seul coup du contrôle du pays. Mais il existe aussi une autre raison, mais beaucoup plus symbolique. Ouais, je vois, c'est aussi s'attaquer aux dérives dispendieuses du pouvoir royal. Bien sûr. Et déjà, les conjurés imaginent les réactions des frustres cadets du colonel Ababou lorsqu'ils vont découvrir les tables chargées de victuailles et de bouteilles d'alcool. Ah, une horreur pour ces bons musulmans. Et une insulte à l'islam. Même si, en principe, ces boissons alcoolisées sont d'abord destinées aux très nombreux invités étrangers du roi. Les cadets fanatisés du colonel Ababou, tous les enfants de familles pauvres, vont donc éprouver un vrai choc devant ce luxe inouï. Et ils n'en seront que plus déterminés, et même féroces. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Dans son livre « Oufkir, un destin marocain », le journaliste Stephen Smith décrit la réception de Skeyrat, où sont conviés un millier d'hôtes de marque extraits. La table du roi, à qui le protocole impose de manger seul, est dressée à l'abri d'une tente caïdale. Non loin, autour du prince Abdallah, le frère cadet de Hassan II, sont réunis 6 convives de choix. Juste au-delà de la première enceinte, d'autres tentes servent champagne ou whisky aux invités qui ne veulent pas se priver de boissons alcoolisées, même chez le commandeur des croyants. L'odeur des grillades, des méchouis et celle plus fine, des tagines, se mêle à l'air marin. Sur la terrasse centrale, les convives découvrent des pyramides de crustacés, des bancs de saumon, des mottes de foie gras, des dindes engelées. Des pièces montées d'un 1,50 m s'achèvent en couronne de massepain incrustée de fruits confits. La fête de Skerat doit donc avoir lieu le samedi 10 juillet. La veille, à la caserne d'Aher Moumou, le colonel Ababou a convoqué ses officiers et sous-officiers en fin d'après-midi. Il leur annonce qu'ils vont participer le lendemain à une opération de 48 heures près de Casablanca. Et précise-t-il quel genre d'opération ? Non, il reste très évasif sur le but de cette manœuvre. Au petit matin, ce 10 juillet, quelques 1000 cadets du colonel montent dans des camions. Des dizaines de camions, dont certains sont bourrés de munitions. Et les véhicules roulent vers l'ouest. Vers Skerat. Hein. Mais les soldats ne le savent pas. Mmh. Et quelle distance doivent-ils parcourir ? L'école est située à 300 km de Skerat. Mmh. Et dites-moi, c'est donc un déplacement qui ne va pas passer inaperçu. Ah, vous avez tout à fait raison. Et à mon avis, c'est la preuve que le putsch bénéficie de nombreuses complicités à tous les niveaux. Police et armée. Je le pense. Mmh. En fin de matinée, le convoi d'une quarantaine de camions militaires s'immobilise en lisière d'une forêt à 25 km au nord de Rabat. A noter que le colonel Ababou, lui, est déjà arrivé à Skerat en compagnie de quelques officiers, son état-major, tous habillés en civil à la mode des années 70. Chemisette à fleurs et pantalon à pattes d'éléphant. Eh bien, les officiers et cadets savent-ils maintenant quelle est leur mission ? Ababou leur a dit qu'il faudrait attaquer plusieurs bâtiments où des éléments subversifs se dissimuleraient. Et s'ils ne se rendaient pas, ils devaient ouvrir le feu. Mmh. Ah oui, mais il n'a pas été question de coup d'État. Non. Mmh. Et ça ne leur a pas semblé bizarre ? Apparemment non. Mais attendez, selon d'autres sources, le colonel Ababou aurait dit à ses hommes qu'il s'agissait de sauver le roi. Sauver le roi ? Oui, Hassan II serait entouré de personnages dangereux, corrompus, subversifs. Il faudrait donc à tout prix l'en débarrasser. Mais soyons honnêtes, tout cela me paraît cousu de fil blanc. Et pour tout dire, un peu simpliste. En tout cas, les prétendues déclarations d'Ababou à ses soldats n'expliquent pas la sauvagerie dont les cadets vont faire preuve. Alors, je veux bien croire que ces jeunes soldats, peu éduqués, avaient été dressés pour tuer. Mais ça ne suffit pas à justifier leur déchaînement de violence. À moins qu'ils n'aient été préalablement drogués. Ah bon ? Et votre avis ? Bon, c'est relativement probable. Enfin, revenons au déroulement chronologique. Dans la matinée, un tournoi de golf a été organisé sur le 18 trous de Skerat. Mais à la demande du général Medbou, le roi n'y a pas participé car il doit accueillir ses invités à 13h30 précise. Pendant ce temps, le convoi des cadets repart vers Skerat. En route, il est dépassé par l'un des hôtes du roi, Jacques Benoît Méchain. Ouais, l'historien et homme politique pétainiste. Oui, enfin, c'est un ami de Hassan II. Ah bon ? Et il est invité à la fête. Hein. Quand sa voiture double le convoi des cadets, il s'interroge, où vont-ils ? Et en arrivant à Skerat, il se demande s'il ne doit pas en parler aux autorités militaires. Il hésite. Puis finalement, de peur de se ridiculiser, il renonce et rejoint les autres invités marocains et français. Ouais. Et la fête commence. Oui, mais les camions des cadets ne vont pas tarder à surgir. Toutefois, il y a une erreur dans le chronométrage de l'opération, une erreur fatale. Bah, expliquez, là. Le convoi aurait dû arriver plus tôt, c'est-à-dire vers midi. C'est-à-dire avant l'arrivée de la plupart des invités. Oui, et si l'horaire prévu avait été respecté, l'attaque aurait permis d'appréhender facilement Hassan II. Et surtout, d'éviter le bain de sang qui va suivre. Cette erreur de timing va d'ailleurs provoquer une vive alcarade entre Medbou et Ababou, alors que le massacre a déjà commencé. Le massacre ? Exactement. À 14h08, très précisément, alors que la plupart des invités sont attablés, les cadets ouvrent le feu sans aucun discernement. Serviteurs, ministres, officiers, ambassadeurs sont fauchés. Il y aura des dizaines et des dizaines de morts. Et le roi ? Dès les premiers tirs, son ministre de l'Intérieur, Mohamed Oufkir, s'est précipité vers lui. Et suivi par une quinzaine de personnes, il l'a entraîné vers les toilettes attenantes à la salle du trône. Et tous s'y enferment. Et ça, ben, ça pourrait infirmer ce que vous disiez tout à l'heure, là, l'éventuelle implication d'Oufkir dans la conjuration. Ah oui, et non. Ah bon, oui et non, expliquez-moi. C'est vrai que ce jour-là, Oufkir a vraisemblablement sauvé la vie du roi. Mais s'il a agi ainsi, n'est-ce pas parce qu'il a été effaré par la folie furieuse de ces jeunes soldats qui tiraient sur tout ce qui bougeait? Ouais. Il aurait alors pris conscience que ce coup d'État était voué à l'échec en raison même de cette excessive et inutile violence? C'est possible. Mais ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Alors la suite. Après son altercation avec Ababou, Medbou arrive dans la salle du trône. Il est accompagné de mutins auxquels il ordonne de chercher le roi. Mais où? Bah, pas dans le bâtiment où se trouve le roi. Alors que manifestement, il a compris que Hassan II se dissimulait dans les toilettes jouxtant la salle du trône. En effet, il a observé que des hommes armés en gardaient la porte. Mais c'est encore un mystère. Là. Et qui doit s'expliquer ainsi? Le général, lui aussi, a sans doute dû être horrifié par le carnage provoqué par l'attaque des cadets. Et alors, il a voulu protéger le roi? C'est ce que je crois. La preuve, c'est que tout seul, il va se faire ouvrir la porte de ses toilettes et qu'il s'entretient avec Hassan II. Que peut-il lui dire? Il lui propose d'ouvrir des négociations avec le colonel Ababou. Mais Hassan II lui oppose un refus absolu. Medbou semble alors désemparé. Il ressort. Et peu après, peut-être après une nouvelle dispute avec Ababou, celui-ci ordonne à ses cadets de l'abattre d'une rafale de mitraillette. La conjuration vient alors de perdre l'une de ses têtes. Mais hein. Sans doute la plus solide. Ce qui suit est assez insensé. Des invités courent vers la plage pour échapper aux tueurs. Ceux-ci les rattrapent et les dépouillent avant de les achever à coups de crosse. Dans un autre secteur de Skerat, 4 importants généraux en civil ont été arrêtés par les mutins. Oh ben, ils n'ont pas été tués, eux. Non, parce que ce sont des personnalités respectées dans l'armée. Ababou, en personne, leur demande à plusieurs reprises de se rallier. Mais ils refusent. L'un d'eux est finalement tué et les 3 autres vont devoir suivre Ababou lorsque les cadets quitteront enfin la résidence d'été du roi. Enfin, n'allons pas trop vite. Peu à peu, la tuerie a cessé. Et les mutins sont fatigués, sinon gagnés par le doute. Ça sent la débandade? Oui, c'est alors que vers 17h, le roi décide de tenter une sortie. Hassan II a souvent été critiqué avec justesse. Hein. Mais en général, on lui a reconnu du courage. Hein. C'est exact. Il le montre ce jour-là, comme il le fera encore un an plus tard. Donc, il sort de ses toilettes où il est enfermé depuis plus de 3 heures. Il semble d'abord que les premiers mutins présents ne le reconnaissent pas. Mais d'autres l'identifient. Un officier lui ordonne de lever les mains en l'air. Et les gens de sa suite, ceux qui étaient cachés avec lui, le voient partir encadré par 4 cadets armés de mitraillettes. Puis ils entendent le crépitement de 2 rafales. Ah, il pense alors que Hassan II vient d'être abattu. Ah bah c'est logique. Mais ce n'est pas du tout ça. Au contraire, il y a alors un vrai coup de théâtre. L'un des mutins se met au garde-à-vous devant le roi et s'effondre pratiquement dans ses bras. Aussitôt, d'une voix forte, le souverain commence à réciter les premiers versets du Coran. Versets qui sont repris en chœur par les cadets et tous les présents, dont le général Oufkir qui l'a rejoint. Ouais. Parce que Hassan II a réussi donc à retourner la situation. Oui, oui, il s'adresse à son ministre de l'Intérieur, général Oufkir. Je te délègue tous mes pouvoirs civils et militaires, prends l'affaire en main. C'est assez étonnant. Et Oufkir parvient en effet à se faire obéir des cadets qui sont encore sur place. Et les autres, alors, où sont-ils? Ben, ils sont partis pour Rabat avec le colonel Ababou qui espère encore réussir son putsch, en dépit du fait qu'il n'a pas pu mettre la main sur le roi. Ces hommes commencent d'abord par donner l'assaut à l'état-major de l'armée à Rabat. L'attaque est symbolique car tout le monde se rend. Ouais, ce qui montre que même s'il ne faisait pas partie des conjurés, beaucoup de militaires approuvaient cette rébellion. Hein. Oui, oui. Puis de façon classique, c'est au tour du siège de la radio et de la télévision d'être conquis par les insurgés qui rendent publique l'annonce du putsch. Mais il leur manque l'essentiel, une reddition écrite du monarque qu'ils auraient pu lire au micro. En tout cas, à partir de là, tout va aller très vite. Oufkir fonce vers Rabat à la tête d'une colonne d'automitrailleuses qui, selon le plan des conjurés, aurait dû soutenir leur action. Ah oui, mais alors encore une fois, Oufkir l'a reprise en main. Et il va balayer les putschistes présents à Rabat en provoquant un vrai carnage parmi les cadets. Et Ababou? Il a réussi à fuir, enfin très provisoirement. Le soir même, tout est fini. Dans la nuit, Hassan II adresse un message à la nation. Puis le lendemain, il convoque une conférence de presse où il déclare « Je suis encore un peu plus roi qu'hier ». Curieuse phrase. Le plus curieux encore est l'ordre qu'il donne à Oufkir. Il lui demande d'assister à l'exécution des principaux officiers putschistes. Et dans cette fournée promise à la mort, le roi a rangé ses généraux qui avaient refusé de se rallier à Babou, mais qui, une fois arrivés à Rabat, auraient accepté de pactiser. Or, ces trois hommes sont des amis personnels d'Oufkir. Oufkir qui doit donc les voir mourir. Et pour moi, c'est le signe assez pervers que Hassan II ne croyait pas vraiment à l'innocence d'Oufkir. Alors ce serait un avertissement ? Et un avertissement sinistre, oui. On le verra la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoum et préparée par Rebecca Denonde, qui a lu cet ouvrage. Oui, Patrick, Hassan II, entre tradition et absolutisme, sans doute la biographie la plus complète parue à ce jour sur l'ex-roi du Maroc. Elle est écrite par un ancien directeur du bureau de l'AFP à Rabat, Ignace Dahl, et éditée en 2011 chez Fayard. Remarquable livre. Pour ma part, je voudrais vous recommander chaudement une série de 4 bandes dessinées qui évoquent le Maroc, mais le Maroc des années 20, celui de la guerre du Rif ou des poilus rescapés de la Grande Guerre, vont s'illustrer aux côtés des indépendantistes rifains. Ça s'appelle « L'or et le sang » et c'est magnifique. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessoux.